go va avec les autres. Au me calme, vas-y rouler le cône pour me fumer mes vrais gars. Népal. Moi je rappe comme personne. Le 15 juin y'a quoi? Y'a le pro G.H. Sheldon. Qui va sortir, sache-le, c'est du bon, c'est du lourd. Envoie ça ma gueule, tu sais que je fais pas ça pour le. Pour le bif, pour les sous. Je sais qu'FA avec la 5-7-5, on rappe comme des fous. Bref, t'es pas déçu. J'en ai rien de ma foutre ma gueule, je vais un plein de pétrole. 4-4, c'est le truc. J'arrive, yo, check le vampire des Carpates. On peut te parler chinois, afghan, peut-être tu continues en malgache. Ils veulent un 4-4, nous on veut Rooster qui rappe. Ils veulent un 4-4, nous on veut Rooster qui rappe. Ils veulent un 4-4, nous on veut Rooster qui rappe. Ils veulent un 4-4, nous on veut Rooster qui rappe. C'est que c'est la seule drogue que j'ai. Même quand ma thune, mon temps me crée des problèmes. Et pourtant je peux pas m'en passer. Impossible à soigner, mes potes me prennent pour un dingue. Je comprends pas les mecs, j'ai même pas de flingue. Rooster. Des centaines de scuds posés sur mes étagères, frère. C'est ce qui remplace mes billets verts. Oui. Je fais pour l'amour mes packs pour être gâteau. Toujours je suis un crédit. Donc l'IPSA est continue, ouais, il continue en douceur. T'inquiète même pas, tu viens écouter un cesse de Rooster là. Il a claqué toutes vos radios, vos ados. T'inquiète même pas, l'IPSA il arrive avec un EP radieux. Un EP radieux, l'opéra je vais le lâcher. Avec mes gars, tu sais que je lâche. Je nage, je partage dans mes rimes. Vas-y KLM, faut sauver la mif. Faut sauver la mif et ne pas sortir de bullshit. En 2014, y'a aussi le projet à tout fins. Faites-vous opérationnel les gars. On arrive au microphone, j'en place une pour le Sénégal. Le Sénégal, encore une fois c'est fall. J'en ai rien à foutre, tu sais que c'est sur ce qu'on fait mal. Je répète les mêmes rimes normales. Mais c'est comme ça que ça se passe, on met des voix dans la chambre. C'est normal, c'est comme ça, sur une prod de petite balance. Moi j'évite la blanche et nique les petites balances. Je rappe avec Sheldon et tous mes gars à l'abri. Tu peux le pécho, il est déjà dans les bacs. Il est déjà dans les bacs, hein. Et tu sais qu'on fait ça à Paname. Ouais, ça ne rime pas, mais c'est pas grave. Et j'arrive direct, tu sais que ça vient plus pas. C'est vrai que ça rime pas, t'inquiète même pas. Dédicace à toute la France, Giorgio à l'abri, c'est l'IMSA. On lâche des freestyles, et si vous cherchez mon putain de Facebook, je baisse tout, El Rugador des cristals. Ouais, tu connais ça, je sais que tu kiffes ça. Cristal, toute la scène, c'était la tempête. L'Riman, je rime sale. Ok, c'est quoi les 10, désolé, je vais dépasser. Laissez-moi revenir, petite phrase. Je voulais en placer une pour le L. Jeunes entrepreneurs, maintenant on est à l'abri. Frère, tu sais que on sort en runner ou bien en gova. Vas-y, KLM enchaîne, faut que tu découpes As. Ok, le projet de Giorgio à l'abri, déjà dans les bacs. Allez, à l'abri, à l'abro. Le projet de Sheldon, fréquence home, qui sort le 15 juin en téléchargement. Les projets de Limsa et Doofins qui devraient arriver aussi. Limsa, dis-le. Donc abonnez-vous à la chaîne. 75e session. Deux doigts. Ajoutez-nous sur Facebook. Deux rois. Faites ce que vous voulez. Yes. Faites-le quand même, même si vous le voulez pas, faites-le quand même. Voilà. Grosse nocturne et gros Giorgio à l'abri, les frérots. Section O. Giorgio, 75e session. Il y avait Dooms qui était là. Il y avait Funky. Mais Doom, c'est la 5-5-6 aussi. Hein. Mais ouais, c'est la. Mais donc, tu finis les coins. T'as vu ça? Bien sûr. Le Bruni aussi, le poteau qui est venu d'Annecy. Si, Annecy. Big up Annecy. Et bah, merci d'être passé en tout cas, les gars. Merci à toi. Merci à toi. Donc, on va rappeler à l'abri Giorgio, c'est par les bacs. Ouais. Et pour les autres, alors, quand est-ce qu'on pourra l'abri pour tout le monde? Bah, suivez l'actualité sur 75e session. Vous pouvez nous ajouter sur Facebook, sur Twitter. L'IMSA officiel, Sheldon, 75e session, Two Things. Bientôt, on va faire le projet Two Things. On va passer avec Mamel KLM. Peut-être on fera une nocturne de Two Things ou une nocturne de l'IMSA. Et ben, on fera ça. 100K. Allez, on est prêts pour 2014. 2014, on fait ça. Et Monsieur Cool. Cheers. Grosse big up à lui. Merci à vous tous. Merci à toi, Giorgio. Merci à toi, Fred. À l'abri, c'est dans les bacs. À l'abri, les fucking ambiances, popo. Tu as été numéro 1 en TT, donc. Ouais, merci à GG. Je mets tout ça, des tweets et tout. Ça fait plaisir, les frères. Et ça a donné de la force. Merci à vous tous. Giorgio à l'abri. Et puis, jeunes entrepreneurs aussi, toujours dans les bacs. Bien sûr, à pas louper. Merci à vous tous, passez une bonne nuit, une bonne soirée. À toi aussi, Fred. Et la nocturne qui continue. Fred. Ciao. Bonne soirée, Fred. Ciao, ciao. 100% rap français, planète rap. La nocturne. La nocturne qui continue avec nos invités cette semaine entre 20 et 21, l'entourage et un vasillon. Maintenant, et puis juste derrière, le nouveau son de Bacar à découvrir dans la nocturne. 100% rap français, ça continue pendant une bonne heure sur Skyrock. Tableau. Ni qu'un vernissage quand y a des billets. match à ma table. Mi pervers, mi sage. Ramène tes copines ce genre de bonasse. Fais le pour mes potes, ils sont palés. La pute habite une chambre de bonne. Mais je suis rentré dans son palais. Quand tes parents sont pas là, un son calé et mon son calé. T'enlever sans même un seul câlin. Pour les traces sur le sol, y'a du sopalin. Before, after. Before, after. Les bouches se collent et les connes se bougent quand les connes rigolent. L'économie coulée dès que la nuit tombe, les coloris changent et mes collègues. Les connes rigolent et se couchent. Si t'as raté les gros titres, c'est viré par les groupies. Y'a ma zik à la télé, y'a pas de fumée sans feu, sans feu pour la cigarette électronique. Invasion, prépare l'invasion. Défi dans le lit, dans le viseur des nations. Invasion. Dans une fuite de malade, canapé en cuir en dessous, c'est de maman, odeur de salade mélangée à de massage. Les corps se rapprochent, on est tous en sueur. Ça prend tout son sens pour ma puissance. J'aime les bons rapports dans la distance. Quand t'avales, je veux entendre oui, mon maître, ou tais-toi. Fais ça gentiment, tu seras une petite poulette qui décoiffe. Déscolarisé, rebeu, renoir, Abdou, Romain, Michel, dans les halls, la misère. On manigance pour les novabilités, pour les modalités, faut que la moralité. Chef, m'attends le poli, bandit-toi les lèvres. Audi noir et beige, sors-nous ton regard exotique. Tu veux nous ressembler? S'il y a des femmes mûres, si t'es comme ça le pute, tu peux prendre ton karma. S'il y a pas de pub, je reste un gentleman. Invasion, prépare l'invasion. Défi dans le lit, dans le viseur des nations. Invasion, prépare l'invasion. Défi dans le lit, dans le viseur des nations. L'île de France, c'est pas le désert, ici le but cric et rapport du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le but cric et rapport du blé. L'île de France, c'est pas le désert. Chez le camp, d'épouvantables idées me hantent. Prendre un couteau et te déchiqueter le ventre. Si j'ai le temps, mec, je suis tes deux jambes. Je perds l'équilibre entre le yin et le yang. On est tous faits d'ombre et lumière. On fait que lutter dans les bas-fonds de lutesse. Débilement pour des billets de banque. Laisse-moi vider le cran. Viens pas gratter l'amitié. À moins que tu soignes de cet aspect de qualité. On va faire un tour dans ma cage d'escalier. Je ne savais pas qu'on serait ce nom. Ramène une pote, une vraie gueulon. Ramène une pote, même à l'aideron. J'ai des chiens de la casse qui l'aideront. La télévision vous désinforme. Les poulets aiment se battre plus que préserver un ordre, nous aussi, mais dans les règles de l'art. Mec, enlève ton armure, si t'es un homme, je pourrais tous vous tuer, ne me tentez pas. Saloperie, je vous carbonise. Je ne flirte plus avec la folie. J'ai sauté d'une falaise en lui mettant des doigts. Planète Rap, 100% rap français. Avant le son de Bacard, c'est Jarod qui revient aussi avec Imodium. C'est le nom de ce morceau dans La Nocturne, 100% rap français sur Sky Rock. Envoyez des messages, le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock. C'est comme elle est by my gueule. Wesh les mecs, envoie les thunes, j'ai pas le temps de te chier cher. C'est comme elle est by my gueule. On les envoie les thunes, j'ai pas le temps de te chercher. C'est comme le bail ma gueule. Check. Envoie les thunes, j'ai pas le temps de te chercher. Envoie toutes ces infuses légères. Tu veux le tarot d'un dîner, c'est cher. J'arrive qu'avec des attaques légères. Histoire de pas les brusquer, ça pute. Viens donc me chercher dans le quai, sale pute. J'encule ces mecs qui s'attendent ma chute. Ça devient dangereux quand on quitte la zone. Dès qu'ils sentent la patate, ils se calment. Ils savent gérer mes nerfs mieux que moi. Fuck les stupides, tapent dans la méca. Y'a que notre son qui tourne dans la péca. Fuck un mec qui paye mon avocat. J'préfère finir au travailleur. J'vais être la zig, j'ai lâché les grammes. Dès qu'il y a l'état, j'me barre ailleurs. Tu te fais limer, gava. T'as le zen enfariné, gava. Tu connais l'équipe depuis que t'as fait le compte. Essaye de nous baratiner, gava. Passe-moi la maille, j'ai chaud. Chaud, t'as pas balancé, bravo. Voilà, continue, voilà, c'est bon. J'veux bien que tu ramènes du gros. Tant que tu nous passes l'info.

Normal qu'on soit mortel, ego, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui n'y a mar, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes ivoiriens. Toye poto toko, bon ma bangonio, so bobé, t'as ma boko. La chance m'a donné ça, te j'avoue, la fée donne ma soko. Clique droit sur Google, ma chérie, si tu veux ma photo. Mouta seki sangate, allo banangate, non, moi je ne suis pas leur poteau. Avant y'a ma bonne en bande, où t'avais pas entendu de rap de Zedon, pas de quiproquo. Tu me demandes comment je vais la santé, la famille, je te reprendrai Kenaza Kitoko. Ma petite bakoli, rien à foutre, n'y'a mana kobe, ta bango, ba fimou, y'a moukolo. Ni du nord, ni du sud. De nuit de l'Est, ni de l'Ouest, nanana, ça à moi, Congo. Je te suivrai jusqu'à la mort, petit bâtard, si tu me dois d'embongo. J'en place une pour mes accros, Mili, Basolo, Rudaï et mes mots. J'en ai son mis, ça pue dans la boîte à gants, toi t'en as dans le sol. J'ai inspiré plus d'un dans les bivas, ouais, y'a ma base à bateau. Naïe, Pona, braqué le rap game dans tout le monde, ma bocoli colo. Non, non, t'es pas un suceur de buzz, mon négro, t'as suceur de goro. Nazan des Tindoki, quand je démarre à tout. Je ne peux pas m'arrêter. Comme dirait mon yama, mon pote Fali, n'a ne s'est livré. Ingeta. Normal qu'on soit mortel, ego, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, ego, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes ivoiriens. Baby Saki Bango, bisoto beta ka rap ya mikolo, bafingi batongi mendule na bango za sola libolo, flogo la fere toko mema bango nyoso likolo, mikolo, bazana ki wapi na tangwa GDN, la défense époque abazulu, na din mouk, suce moi la bite de tishimbok, avant dans la messe, peko baye babok, après lundi kula donc il faut de doc, j'fais du sale au rap français, maintenant j'rap en Ingala, ils me prennent pour un vieux deuxième et j'traîne avec Janen Villa. Ils me comprennent ap comme un sap, j'ai terminé comme présent loi loi. Poanga ma déchou, foun wandou, ndabaki sa moussaka. Poison mon poutou, toko liamba momi na binotou. Détesté parce que j'suis partout. Poison kosi rap ya boutou. Where else? Ko kapis ok, Oyueza, Ingeta. Si la bison a ma boko sabi, bako mega kako soa, bata. Bako ko kapis ok, Oyueza, Ingeta. Si la bison a ma boko sabi, bako mega kako soa, bata. Normal qu'on soit mortel, ego, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, ego, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes ivoiriens. Michel Chiani, where else? Luis Cavanda, where else? Ma petit bakoli, mais c'était pas bango quoi. Hervé Sakina, Team Nyama, le boule KMS, where else, where else? Quel or de beau, Papri Tir, Johnny Madiba. Bah ouais ma gueule. Flèche, Bruxelles, Matongue, Jerry, Elvira, hein, 69, Parigo, Overdose, Niamès, Kinshasa, hein, ma petite Abisso, Samael, Iron aka Pearl. J'jure pas que j'irai Pharaon, le roi des momies. J'irai Skimbo. J.R. Richard Makela. Where else? J'ai mis quoi suivre. Where else? Il est si j'ai Vandal, Vindel et Koyate. T'en fous la Tiringoto. J.R. 4-2, 9-3, 9-2, 7-8, 7-5, 7-7, where else? 9-4, 9-4, enclavé team, ma gueule. 9-5, ma seule. Pas ma gueule, le rap français a changé. Maintenant rap, on Nicola. On fait du sale, ma gueule. Masola Lingala, Bissot Tobadango,

tout jeune on ferme les livres pour jouer du calibre. Tout ce que je sais calculer, c'est une putain de TVA. Tous des criminels potentiels, parce qu'on vient de la favela. Chien la casse, on transpire le crime dans ma caracasse. En voyage dans les montagnes du Rif, on frappe sur la tamis comme sur des maracas. Pour faire sortir la chiche, j'ai la weed fraîche qui te dessèche. Ici aucun signe extérieur de richesse. Je suis en meute comme un loup. J'ai loupé l'école du premier coup. Je voulais des sous, trop. Vider les bons Paris égaux. Habitant en banlieue parisienne. Comme au Nigeria, je mienne. Ton vent, je suis avec les neveux. Et je fais long gominé comme la mafia sicilienne. Eh oh, eh oh. Belle et calé condé. Vitry Rio de Janeiro. On n'a pas peur de tomber. C'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. Le rap français me fait chier comme les vieux. J'écoute RMC au calme. Beaucoup de respect pour nos mères. Donc on respecte les femmes. Plus on avance, plus ils ont mal. Ils veulent salir mon image. Je vais les ignorer encore plus fort. Sous conseil de l'imam. Je gère l'industrie comme une épicerie. On paraît gentil, mais cacher l'argenterie. Des rouleaux d'euros pour ma putain de mélodie. Que j'efface mon passé maudit. Je suis tout seul, j'ai aucun lobby. La bagagerie est dans l'ondi. Algeria, la Gomorra, grosse moustache, grosse gueule chat. 15 ans que je suis là, à vie d'un rap. Pas de gros terre, ma foire derrière ma caméra. Eh oh, eh oh. Belle et calé condé. Vitry Rio de Janeiro. On n'a pas peur de tomber. C'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. Eh oh, eh oh. Belle et calé condé. Vitry Rio de Janeiro. On n'a pas peur de tomber. C'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. Planète Rap, 100% rap français. NOR dans la nocturne, ça vient de Marseille. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les trous, j'ai pris sur moi. Je pars avec nos couilles, t'es fou toi. Qui te parie la route, je fous droit. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les trous, j'ai pris sur moi. Je pars avec nos couilles, t'es fou toi. Qui te parie la route, je fous droit. Mets les deux pieds sous le ring, yo, on ne vit pas dans un film de bobo. Laisse les clandos remplir le ballon, Mino, Lambo, bing, bing, baro. On veut le salaire à Cristiano. La chatte à ton père, range l'escabeau. Tu as la trentaine, l'imbago. Remise de peine des terres, le magot. Hacker en pique, on n'est pas mon équipe. On va les couler, rime aquatique. Y'a que l'acupuncteur qui nous lance des pics. Remets les compteurs à zéro, que je les quitte. Rafale de photos, poto, j'ai trop de flow. On s'arrête plus de grossière comme le coco. Y'a plus de costaud, bienvenue au zoo. On garde toujours un œil sur la moto. À défaut d'avoir des ailes, on s'est mis à voler. Faut noiter à la mode comme le cabriolet. Ta haine devient ma chienne, elle aime tout ce qui est violet. Violet, violet. Seul le talent ne s'achète pas. Le succès m'a pris dans le bizarre. Puis tu seras loin de ce débat. Puis tu seras loin des écouteurs. Faites de la place, ça évitera, je m'en fasse tout seul. T'auras ton petit refrain en contrepartie d'une petite poussée. On m'a dit tu vas. J'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les doutes, j'ai pris sur moi. Je pars avec nos couilles, t'es fou toi. Qui te parie la route, je fous droit. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les doutes, j'ai pris sur moi. Je pars avec nos couilles, t'es fou toi. Qui te parie la route, je fous droit. On a chiche, pousse pas à tirer. Problème. problème de riche, déterminé. Ma gueule à l'affiche, pose les billets, retourne à la niche. Cesse d'aboyer, la récré est finie. Stoppez vos conneries, petit gringale, font danser les colis. Un droit en puni, neuf et le millier. Sapez les minots, veulent acheter à l'oril. Le quartier est plaqué, Dolce Gabbana. Blanche la nuit, t'es inquiète, et la mama. Veuillez nous excuser, mais c'est la hala. Chasse ces poupées comme des chacals. Pinard, pinard, pinard, pinard. Tu veux rien faire, salope, bouffe-toi un bonard. Toujours un abruti qui cherche la bagarre. Connard, tu vas terminer dans le coma. Ton salaire à l'année, dis-toi que c'est ce qu'on voit. Si tu veux nous parler, soulève ton doigt. Les plus timbrés sont 100 fois 1000 lois. 1000 lois. 1000 lois. Pensez aux frérots, derrière les barreaux. Tous la font comme des hameaux. Aux petites sœurs qui se tiennent à carreau. Soutiens la daronne, remplis le chariot. On a des cœurs gros comme ça. Même si la façade peut vous choquer. Moi j'ai pas fait les beaux-arts. J'ai grandi. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les doutes, j'ai pris sur moi. Je joue pas avec nos couilles, t'es fou toi. Qui veut barrer la route, je fous droit. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les doutes, j'ai pris sur moi. Joue pas avec nos couilles, t'es fou toi. Qui veut barrer la route, je fous droit. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les doutes, j'ai pris sur moi. Joue pas avec nos couilles, t'es fou toi. Qui veut barrer la route, je fous droit. On m'a dit tu vas où, j'ai dit tout droit. Laisse pas rentrer les doutes, j'ai pris sur moi. Joue pas avec nos couilles, t'es fou toi. Qui veut barrer la route, je fous droit. Rap français, planète. La nocturne. SP Youssoupha et Sams. C'est dans la nocturne 100% rap français. Lo, Nicki Minaj dans un jean ou la chatte à Gilo. Même si t'es mort dans le film, fuck le hero. Ce monde de la rime hostile, des larmes dans mon stylo. Le buzz est si gros, t'as un 6 gros. Attention où t'atterris, oh, où t'as des héros. Sur l'album, bruit d'impatience, j'suis un pyro. Street corner, me parle en pleine tête, appelle-moi Pirlo. En roue libre, on s'en bat les couilles. Dans ce pige, j'attends de sortir la douille. Salam alaikum, check la concurrence, noyé. Jim, c'est beau, maillé. Vos mères sont redaves comme un scout chez Julie Gaë. Ropopompom, a dit une grosse tasse. Commande, chicha, mangom, tire une grosse taf. J'suis trop porté sur la maille, gros. J'suis un rat de marée, gros. Appelle tant que marée, j'ai des mailles, j'me suis barré, gros. Fini, fini, fini les. Yaman. Yeah, Sam, fini, fini, fini les. Yama. Ils ont plus rien à dire, eux le passé, nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de pare-balle quand ça tire. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé. Tu peux m'arrêter trop tard, j'suis enroulé, j'suis enroulé. Chester et gentleman dans ma roulée, dans ma roulée. Couchez-vous à terre, hein, j'suis beaucoup trop déterre. Quand j'pars enroulé, j'pars enroulé, j'pars enroulé, j'pars enroulé, roulé, roulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'estime, on le fait nous-mêmes. Écrit nouveau phénomène, Yokan, Nego Yoka, moi Namboka, Ice criminel, les punchlines sont inhumaines, Denja, traîne, j'ai laissé pousser les tresses, ils me prennent pour Tikenja, tu sais déjà, on fait face au game, lunettes noires, peu bavard, te regarde pas quand je te parle comme Horatio Kane, je rêve de bling bling à la Benoît XVI, la mort entoure mon vécu, donc j'ai le cul entre deux paires la chaise, qui peut nous tester, nous, eux ils étaient au fond du gouffre, quand nous on retournait les foules pendant le geste tour, et ils rappent tous pareil, leur feu est copycate et je baisse tellement d'MC. Que mon album sera un coming out. Pas de comic rap, viens pas nous mettre en doute. Mon label survivra, j'ai perdu quelques traîtres en route. Coûte que coûte jusqu'à l'avènement. Et s'ils demandent, ça sort qu'en négritude. Dis-leur c'est pas maintenant. Prince, fini, fini, fini les. Prince, fini, fini, fini les.

9, ça gaffe, stay in alive, bitches. Dans le game, ça jase, les problèmes qui visent. La jeunesse oublie la base, les sentiments se déguisent. Les sens, tu aimes la vase. Hey homme, raconte pas ta vie, j'ai ma carabine. Je suis azelé dans le carré VIP ou pépère à l'asile. Avec une belle gadi dans la Jeep, nettoie-moi la vie, faut que tu te canalises. Pas monster dans le beat, je suis un anien. Ses ex me connaissent, ils rentrent un cognac. T'as grognasse avec ses gros ones, je veux faire des folies. Avec Group Beef, Goliath, dit que c'est insomniac. Dans mon propre délire, tu connais l'homme qui grandit. Je suis dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire. Je suis dans mon propre délire, dans mon propre délire, je suis dans mon propre délire. Je suis dans mon propre délire, tu connais Daniel. Parfois je me sens comme un pèlerin dans un désert sel. Laisse pas bluffer par ma nonchalance, car ouais je glisse mais c'est plus comme un skieur. Pourchassé par une avalanche, j'ai peu à peu la folie s'installe. Le mic et moi deux éternels amants ninja. Bonnie and Clyde, adolescent dès que je le pouvais je sautais sur tout mic. Appliquant la théorie des 7 jours de tout pas. Français, c'est des grills faits en papier à lui. J'hallucine, les MC s'allument, sort des bus comme à l'usine. J'attends pas qu'on m'élise, je me suis auto-élu. J'suis dans mon propre délire, ça c'est depuis le début. Certains m'ont dit d'ici t'as besoin de conseils. Mais dis-moi, à quoi ça sert d'éclairer le soleil? Qui dit pire? Maya à 19, passe le bac à 30. Des albums, j'en ai 9, en 12 ans j'fais 4 enfants. Yeah. Sponsorisé par les pompes funèbres, on se fait un pull avec un sac mortuaire. Cul, mes idées, les autres font du vol à la porte. J'ai un gros cylindre et je crache, c'est pas comestible. Marié au beat, je rappe de la violence domestique. Ressort le breakbeat pour ceux qui connaissent. Appelez-moi la famille, je vous fume comme du pont de Ligonnès. Tu plonges là sur leurs pieds, l'herbe vient couper. Dans le top 5 du 9-5, j'ai toujours pas écrit mon meilleur couplet. Planète rap, 100% rap français. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tous les jours, c'est le jour de paye. Dans les poches, un arc-en-ciel. J'ai grandi dans le haut et les grands frères m'ont montré comment faire. Top game, rap game, tout ça, ça prend sous le terre-terre. J'ai retenu mes leçons et développé le vocal flow Winchester. Coup de feu en matière, les MC s'écrit Médès. Tu sais, négro, everyday, évident à chaque couplet. Niro, hashtag couplet. Et dis à tout, c'est plus que tout ce que je veux, moi c'est ma couplet. J'aime pas de pas de faire de mousse, camouflé dans la banlieue sud, 9. Côtoie des putains de pirates, du genre Latifeux, l'Égyptien. On parle pas, on se voit pas. Mais si tu veux nos barres, nos guns, les feront à nos places. C'est la nocturne en direct, hein, la preuve. C'est avec Josie P, Niro et Jackie Mani maintenant. 9, 1, 2, 3, 4. Tous les jours, c'est le jour de paye. Dans les poches, un arc-en-ciel. J'ai grandi dans le haut et les grands frères m'ont montré comment faire. Top game, rap game, tout ça, ça prend sous le terre-terre. J'ai retenu mes leçons et développé le vocal flow Winchester. Coup de feu en matière, les MC s'écrit Médès. Suce négro everyday, évident à chaque couplet. Niro, high shit couplet. Et dis à tout, c'est plus que tout ce que je veux, moi c'est ma couplet. Comme pas de pas de faire de mousse, camouflé dans la banlieue sud, 9. Côtoie des putains de pirates, du genre Latifeux, l'Égyptien. On parle pas, on se voit pas. Mais si tu veux nos barres, nos guns, le feront à nos places. On détaille au max, c'est comme ça qu'on mange. Autonome, slash et gun, c'est comme ça qu'on se mange. On détaille au max, c'est comme ça qu'on mange. 1 million d'euros, après ça on se mange. La plaquette, la plaquette, la plaquette. Aimer les gros, la plaquette, diront, c'est comme ça qu'on mange. La plaquette, la plaquette, la plaquette. J'attends le jour où ils vont tourner leur veste pour voir qui est vrai, qui est mauvais. Je gagne des hassanets, t'as parlé de moi après ma mort, tu vas me sauver. Au pire, je suis là pour 70 piges. Je vais peut-être clamser par balle entre la balistique, les flics et la scientifique. La plaquette détaillée, la braguette ouverte à bailler. Les schlags et les cahiers de compte, on compte pas sur nos fous alliés. Mais si on comptait sur eux, on t'aurait déjà des fois aillé. Mais KO comico,

Nocturne avec Lantis à l'instant, produit par DJ Mist. Qu'on salue, la nocturne c'est fini. Prochaine nocturne dans une semaine. Il y avait Giorgio en première partie. Dès lundi, loupez pas Joke qui débarque avec Ateyaba, l'album qui sort lundi aussi. Il sera à découvrir toute la semaine prochaine avec beaucoup de live, beaucoup de freestyle à pas louper. Rap R&B en non-stop, Fabuleux est là en forme comme d'hab. Prêt à enchaîner, prêt à vous déchaîner. La rime était un peu glissante, il est temps d'aller se coucher. Ciao. New hip-hop. New hip-hop.